Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de Grindelwald. Je rappelle un peu le postulat de base. Donc, vous avez tous en commun un ami, cet ami s'appelle Simon. Et Simon, c'est vraiment le gars sympa, quoi. C'est le mec qui, dans votre groupe... il soutient les gens, il vous pousse à vous donner le meilleur de vous-même, tout simplement, et notamment en sport. Et du coup, ça fait que bon, c'est un peu l'ami commun que tout le monde a. Sauf que Simon, il est à la recherche depuis quelque temps d'un objet très spécial, selon ses propres mots. Et dans cet objet très spécial, il le cherche notamment dans les centres commerciaux. Et il vous a parlé, ci et là, de manière très convaincue, d'une autre dimension qui existerait et qui... il en est sûr, lui donnerait son objet très spécial. Malheureusement, Simon a disparu. Et donc, vous avez décidé de partir à sa recherche. Et vous êtes parti, du coup, dans les centres commerciaux à la recherche de cette fameuse dimension parallèle dont vous a parlé Simon. Et je vais laisser tout simplement mes joueurs se présenter, au fait, dans l'ordre alphabétique du Discord, donc RL, Gassar, Pixel. Ok, donc moi, je vais jouer Ombre. C'est une jeune punkette assez anticonformiste, qui est forte en maths et qui joue de la guitare, notamment dans un groupe de punk que son ami Simon lui a trouvé. Moi, je vais jouer Joseph, qui est un garçon curieux, qui adore les VT et qui, pendant ses week-ends, s'adonne aux joies du camping. Moi, je joue Kylian, je suis un petit garnement. J'adore le basketball et puis voilà, j'aime bien aussi Simon qui joue avec moi de temps en temps et je suis là pour sauver mon pote, quoi. Parfait, merci beaucoup. Lorsque nous sommes laissés, nous étions dans la situation suivante, alors que vous êtes rentré dans la parfumerie qui contenait toutes les odeurs préférées de Joseph, qui étaient notamment ces fameuses tartines au beurre fondu du matin. Eh bien, une caméra qui a un œil, qui est en forme d'œil, vous a adressé la phrase suivante, vous demandant si vous n'étiez pas là pour foutre le trouble dans le centre. Ouais. Sur quoi je vous laisse, du coup, répondre. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire ? Eh bien, voyez-vous, pour nous, il est très, pour nous et pour moi, il est très important de savoir que le centre est bien respecté. Bah non, on fait pas le bazar. C'est genre, je suis en train de jouer de la guitare devant la boutique. Vous êtes la sécurité ? Pour dire vrai, je ne suis pas réellement de la sécurité, mais je participe, moi et mes amis, les serviteurs du centre, à protéger le centre afin que tout se déroule sans accroc. Des amis comme toi. Vous pouvez peut-être nous aider. Ouais. Oui, on est perdu. On cherche un ami. Oui. Oh, dites-moi tout. Simon qui s'appelle. La description. Tu fais la description de Simon et il te dit que eh bien j'ai une bonne idée de là où il peut être. Voyez-vous, votre description me fait penser à un jeune garçon que j'ai vu passer avec ma surveillance. Eh bien, je pense qu'il a été honteusement kidnappé. Kidnappé par qui ? Il a été kidnappé, voyez-vous, par un méchant groupe qui se font appeler Nick le Vert. Nick le Vert ? Oui, ce sont des vauriens, des adolescents qui cherchent à détruire le centre. Très bien. Je Je vous conseille de ne pas en approcher, ce sont de dangereux individus. Ouais, bah, t'en fais pas, je suis dangereux aussi. Je suis le feu et s'ils essaient de me toucher, ils vont se brûler. Tant que vous n'êtes pas dangereux pour le centre, je suis heureux de savoir ça. Ouais. C'est heureux. Bon, ciao. Mais ne faites pas de bêtises, hein. Surtout ne volez rien, je le saurai. On vole pas, on a de l'argent. Là, je montrerai la liste de billets que j'ai. De l'argent. Oui. Je préfère prévenir. Et prévenez-nous si jamais vous voyez Simon. Avec plaisir, repassez donc. Oui, bon. Hop, allez, on va prendre... Du coup, on est à la boutique de parfum ou bougie, j'ai oublié. Boutique de parfum, vous êtes. Ouais. Oui. Et de casse et bougies parfumées, on aurait pu en prendre. Écoute, moi, je prends du déodorant et ce que je peux, en fait. Hein, vraiment. Il y a quoi d'autre? De l'eau de Cologne, un truc comme ça, genre un truc qui permet de bien enlever l'odeur de gras. Oh oui, il y a... il y a vraiment une parfumerie très classique. C'est surtout que, malgré tout, il y a les odeurs préférées de Joseph, mais sinon, t'as quand même voilà, les autres colognes et trucs comme ça qui sont très forts et qui vont servir. Je veux dire, il n'y a pas de trucs, par exemple, des trucs senteurs cookies ou des trucs senteurs. Il y a des choses étranges, ça c'est clair. Voilà. Encore une fois, t'as les parfums, odeurs, tartines, beurre fondu, quoi. Ah oui, c'est vrai, tartines, beurre fondu. Hein, c'est... Bah, moi, je vais en prendre un au hasard et tu me dis ce que c'est, comme odeur. Ok. Odeur, tu sais, les petites pastilles dans les toilettes, dans les urinoirs. Bah, c'est ça. Vas-y. Ok. Tu prends une odeur de... Alors attends, je te dis ça dans une seconde. Pendant que je tire ça, comme ça on est un peu plus fluide. Toi, Joseph, dis-moi du coup ce que tu fais, si tu prends pareil un parfum. Moi, en fait, je vais faire comme avec mes parents quand on rentre dans une parfumerie. En fait, je vais chercher les parfums qui seraient bons pour le corps, qui agresseraient pas, qui seraient bio, enfin voilà. Et commerce équitable et tout ça. Je cherche ce genre de parfum là. Ok, oui. tiens, pour rigoler, lance-moi 2d6 parce que tu as un bonus. Si tu n'y arrives pas, pas de malus particulier, juste tu ne trouves pas le parfum qui t'intéresse. Et 3 et 3. Ok, bon, tu n'y arrives pas, malheureusement. Il semblerait que le bio ne soit pas une composante importante de cette boutique de parfums. Bon, je me rabasse sur un truc, sur un flacon vert qui m'a l'air à peu près pas mal. Ok. Toi, Xen, tu as fait un jet, sache-le, mon cher Kylian, donc tu n'auras pas une odeur totalement déconnante, tu as un parfum qui sent bon et qui surtout est assez fort pour pour retirer l'odeur de graisse que tu as sur toi. Un peu à la Harry Potter, tu sais, c'est Dragibus. Ah, un goût de poubelle, c'est pas mal. Bon, très bien, je m'en asperge et je m'approche de Ambre et je lui dis, alors, ils sont bons, là, non? Mais puer le parfum, je suis... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je paye, et ensuite, ça... Quant à Ambre, je vais en profiter. Pendant que les garçons sont en train de se parfumer, donc ils arrivent dans quelques secondes, Ambre, toi, tu vas être surprise par une voix derrière toi qui fait... Excusez-moi, jeune fille. Oui. Je retourne, tu vois. Tu te retournes, tu vois un homme de... tu dirais, ouais, 30, 35 ans... vraiment assez classique, c'est les cheveux courts, plutôt foncés, vraiment un visage assez banal. Et tu le vois qu'il a l'air un peu pas serein. Et tu vois, ils se refait. Ah non, justement, c'est bien, ça m'a permis de vous trouver. Je comprends pas, j'étais en train de faire mes courses et je suis totalement perdu. Vous, Où on est ? Sur la place pipi. Oui, là. C'est oui, la place les... où il y a les toilettes. Sur la place pipi. Je vois bien, mais... où est notre magasin à nous ? Là, c'est quoi votre magasin ? Eh bien, moi, c'est un Auchan. On va dire, vous étiez chez Auchan, un quoi je ne sais plus. Un Auchan. La supérette, alors... elle est un peu avant. Mais oui, mais... Vous prenez à droite, là. D'accord. Vous remontez. D'accord. Ensuite, vous prenez à gauche. Normalement, vous arrivez au supermarché. Mais... Et comment on quitte le lieu ? Y a que des couloirs et des magasins. Je rentrais chez moi aussi. Je sais pas, on a perdu le plan. C'est vrai, c'est dingue, ça. Y a aucun plan affiché nulle part, même sur les toilettes. Vous êtes ici, ça fait même un minimum, quoi. Vous êtes perdu aussi ? Non, nous on n'est pas perdu, on cherche quelqu'un qui est perdu. Un petit peu. Vous cherchez qui, garçon de votre âge ? Simon, oui. Très bien. Qui est gros comme ça, avec des cheveux comme ça, habillé comme ça. Par là, quoi. Ça me dit rien, je sais pas. Avec une dire, chaussette, visiblement. Alors, c'était une chaussette qu'il avait oubliée quelques jours en avant. Au sport. Non, mais moi, ça me fait rire. Donc, normalement, il a ses deux chaussettes. Tu vois qui est tout paniqué. D'accord. Au même moment, les Kylian et Joseph, du coup, vous arrivez. Kylian, du coup, qui a payé. Ah, moi, je sens bon là. Les deux arrivent en même temps. Il me semble qu'ils se sont parfumés. Enfin ouais, moi, enfin, moi aussi. Oui, dis-moi. Je prends le parfum que j'ai acheté et je m'en mets aussi parce que faut que j'arrête de sentir mauvais. Ou non, ce serait bien. Bah, du coup, quand ils sortent, je commence à hurler « Bah, mais ça poque à mort !»« Oh, mais vous avez pris quoi ? C'est quoi cet odeur ?» Bon, je suppose que c'est Joseph qui a choisi au pif. J'ai pas pris au pif, j'ai pris vert, c'est naturel. Ouais, enfin, le problème, c'est que c'est comme mettre du déo sur de la transpi, les deux se mélangent, quoi. C'est-à-dire que là, tu sens le gras et le parfum. Même le parfum, je ne sais pas, hein. En tout cas, ça poque. Il n'y a pas de douche ici, tu veux que je fasse quoi ? Je peux pas... Tu te mets là. Je monte plus loin. Tu te mets là-bas. Vous voyez l'homme qui vous regarde, bah, vous êtes nombreux ensemble ? Bah là, on est quasi au complet, oui. Très bien. Je vais m'asseoir. Tu cherches des amis ou comment ça se passe ? Je cherche surtout à partir d'ici, moi, en fait. Il faut trouver l'escalator qui remonte, et puis c'est bon. Sinon, il y a l'escalator du parking. Vous êtes venu en voiture ? Oui, mais bon, il n'y a pas de parking souterrain, normalement. Bah, si, nous, on en vient. C'est la première à droite, donc enfin la deuxième à droite, de là où on est. Vous prenez le parking au pire et vous sortez par le passage des voitures et comme ça vous êtes dehors. Oui, vous avez raison, Oui, c'est un parking qui a une sortie. Vous voyez qu'Assemo il se retourne et il avance d'un pas un peu... Deuxième à droite. Hein. Un peu paniqué. Première à droite. Bon, deuxième à droite, ça retourne au supermarché. Première à droite. Bah, très bien. C'était qui, ce gars ? Un gars perdu. Il aurait pu me laisser une pièce, quand même, dans mon... dans ma housse de guitare, quoi. Rapia. Bon, on est parfumé. Est-ce qu'on prendrait pas des bougies au cas où pour... augmenter nos chances avec les poubelles. Bah, les poubelles, elles aiment le sale, donc faudrait plus trouver des poubelles. Justement, il faut pas qu'ils soient attirés par nous, ils nous empêchent de passer. Bah justement, tu les balances, les sacs poubelles. Ça fait diversion. Ce qu'on a fait tout à l'heure pour vous sortir du caca. Ah oui, j'avais poussé un sac, mais bon... ils sont nombreux. Non, bah, écoute, pas moi, les sacs du bas avec la trompe, des sacs poubelles de genre... Normalement, dans les allées, il y a des poubelles pour les papiers gras, quoi. Ah, tu veux en fouiller une? Moi, je suis propre, hein. Je vais préférer plutôt aller à la bougie pour aller chercher du savon et puis peut-être... réussir à prendre une ou deux bougies parfumées et y allumer, quoi. Je sais que t'as un briquet, hein, non? Non. T'as pas de briquet? T'as un briquet, toi, Joseph? Bah oui, pour allumer mes feux, j'ai besoin d'un briquet. Ok, très bien. Moi, je vais aller chercher... Moi, je fume pas, hein. Moi, je fume pas, par contre. Hein. Ouais, j'ai compris, ouais, j'ai ça, compris. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi, je fume en pas. Cas, c'est parce que c'est l'odeur, ouais, hein, mais bon, après... Mais l'odeur, mais c'est senteur cigarette? Ouais, peut-être pas du tabac, en fait. C'est... Non, mais ok. Non, mais... Ouais, mais si tu peux fumer le gazon, si tu veux, je m'en fiche. Hein. Non, mais non, ouais, mais ouais. Non, mais... T'es un peu hippie, quoi, mais c'est bon. Mais c'est pas parce que mes parents, ils... Vas-y, là. Allez, je moque de toi, allez, viens. Ah. On va aller voir la boutique de bougies. Trop chiant, là. Non, par contre, vous êtes toujours couvert de sauce, donc... à un moment, il y a du savon, là. Je vais aux toilettes et je vais me laver dans les toilettes, et puis voilà. Tu vas laver tes fringues, comme ça, tu seras tout... Je vais me laver au lavabo, mais... Et puis voilà, ça sera bon. Bah, et tes fringues? Mais on va aller au magasin de sport d'hiver, là. Bah voilà. Bah oui. Ok, bon. Alors, du coup, parce que là, vous avez dit beaucoup de choses en même temps. On va faire un tour, si j'ai bien compris. Vous pouvez me contredire, comme ça, on fait dans ce sens-là. Vous allez faire un tour rapide aux bougies et savons parfumés pour aller chercher de quoi camoufler votre odeur au besoin. Ensuite, vous allez chercher des vêtements. Et après, normalement, il n'y a plus de problème. Tout devrait bien se faire. Il faut repasser aux toilettes pour qu'ils se débarbouillent. Oui, bon, ce qui reste. Vous repassez aux toilettes. Bon, on va se déployer, quoi. Ça, c'est sur la place. Ok. Eh bien, vous arrivez, du coup, pour la boutique de bougies et de savon parfumé. Et vous voyez, quand vous arrivez, un énorme symbole peint en vert à la bombe de peinture avec écrit dessus « Nique le vert ». Ah, mais c'est pas la même, la bougie, en fait, c'est celle qui est... La parfumerie, c'est en face de la bougie. J'ai cru qu'on était à la bougie. Oui, c'est l'inverse, ouais. C'est la parfumerie, c'est... elle est en bas. Et là, ouais, le truc est en face, ouais, tout à fait. Ouais, j'avais senti qu'il y avait deux boutiques. Et je dis aux autres, ah ben c'est pas ce que nous avait dit la caméra, là, c'est le Nick Levert. Ouais, c'est ça. De quoi? Ouais, je sais pas, il y a une caméra bizarre, là. Il nous a parlé. Ouais, bon, en tout cas, il nous a parlé d'un gang. Ouais, ils nous ont parlé d'un gang de mecs qui s'appelle le gang du Nick Levert. Et bah, là, t'as la preuve que bah, ils ont tagué ici, hein. Y a pas de doute là-dessus. Mais ils auraient peut-être pris notre ami Simon. Comment ça, ils auraient pris notre ami Simon? En tout cas, la caméra dit qu'il a été kidnappé par le gang du verre. Et ça, vous pouvez pas me le dire avant. Ah, mais j'ai oublié. On a pas eu le temps, là, attends. Et le clochard qui t'a posé des questions, j'ai pas capté, moi. J'étais en train de penser à autre chose. Déjà aux bougies, et puis voilà, quoi. Mais ils l'ont emmené où? On sait pas. Bah ça, on sait pas. Il sait pas. Et vous avez pas demandé à ton pote la caméra, là? Bah, j'ai demandé. Tu lui as retourné? J'ai demandé, mais il m'a pas répondu vraiment. Enfin, il a dit qu'on a qu'à revenir le voir s'il a du nouveau. Donc, il a dû nous dire le maximum qu'il avait. Mais faut parler à ses soeurs. C'est une caméra qui vous a parlé? Ouais, une caméra. On aurait dit un œil, tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va, le gazon, t'es bon là-dessus Non, mais... bon, voilà. Je suis d'accord avec lui, hein. Moi, je pensais que c'était un mec de la sécurité, mais non, c'est bien la caméra qui nous a parlé. Bon, là, on a mis le verre. Il a pas dit où il est parti. Est-ce que la peinture est fraîche? La peinture est... Elle est pas fraîche, mais... elle est pas non plus... Enfin, genre, tu vois, elle est pas vieillie déjà à moitié en train de tomber, quoi. Est-ce que je peux remplacer le verre par ta mère? Tout à fait, tu peux, t'as des bonbonnes. Avec mes bombes de peinture. Tu barres du coup le tamer, enfin le non plutôt le verre pour marquer ta mère. Et au milieu de ton action, la porte s'ouvre d'un coup et vous voyez un jeune homme de 15 ans peut-être 16 qui arrive, il fait mais qu'est-ce que vous faites? Je redécore, désolé, je voulais faire du je voulais faire un graphe pour que ça soit plus joli parce qu'il y a quelqu'un mais qui non a tagué le truc juste avant là. Mais bien sûr, mais c'est chez nous, c'est notre QG. Si vous faites ça, les gens, ils vont croire. Enfin, la boutique est pas à nous, mais nous, on s'est installé, puis ça va. Hein. Mais vous êtes un QG de quoi? Mais de Nick le Vert. On se bat contre vous le centre. Vous êtes des anti-écologistes, c'est ça? Non. Le vert, c'est la couleur du centre. Regardez les billets, ils sont verts. Ouais, comme aux États-Unis. Oh, il est où notre copain, Simon? Simon, c'est qui ça? C'est notre pote, je lui fais une description. Ok, tu lui décris Simon. Je vais voir si ça gros lui dit quelque comme chose. Comme ça, coiffé comme ça, avec des coups. Bah, on a une illustration qui était retrouvée un peu par. Le tomate. Ouais, mais j'aime bien mimer. Les yeux un peu comme ça, tu vois. Voilà, peu rond. Un peu comme ça. Un peu ronde, amandée, voilà. Eh bien, figurez-vous, je pense savoir où il est, mais. Enfin, moi je le connais pas, je l'ai jamais vu, mais ça me dit quelque chose. Enfin, c'est une histoire qui me dit quelque chose. Vous savez, ici, au centre, les choses se passent pas vraiment comme hier. Enfin, vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas. Mais oui, sérieux. Enfin, vous savez, nous, Nick Levert, on est des jeunes ados qui, comme vous, sommes venus dans le centre pour. Trouver des choses. Et on le sait que le centre aime simplement kidnapper. On est coincé ici, on n'a jamais réussi à trouver la sortie. Bon, il y a bien Hugo là-bas. C'est vous qui kidnappez. Mais bien entendu, il nous considère comme un ennemi. Mais vous savez, c'est que question de temps. On va sortir d'ici, on plaindra les gens du danger qu'est le centre. Et pourquoi on croirait vous et pas eux? Et pourquoi on les croirait eux et pas vous? Eh, ça j'aime, c'est posé comme ça qu'il faut. Écoute-moi bien. Comment tu t'appelles? T'entends? Ombre. Ombre. Nous, on vient du même endroit. Enfin, je sais pas d'où vous venez, mais on n'est pas nés dans le centre. On n'est pas comme les mannequins là, comme. Tous ces autres choses étranges qui peuplent ici. Nous, on est de notre monde. J'ai un deal pour toi. On vous fait confiance si vous nous ramenez Simon. Après, truc qu'on l'a jamais vu, mais je peux vous indiquer. Si t'as dit que tu l'avais vu, t'es en train de me mentir non. Là. Il y a parce que je nous a dit qu'il vous a vu avec. Vous déformez mes propos. J'ai dit que je l'avais pas vu, mais que je sais comment fonctionne le centre, et du coup, je peux vous donner des indications pour le trouver. Ouais, bah grouille. C'est ce que je fais. Attends. Et tu me parles pas comme ça, attention. Eh, oh. Je suis sûr que j'ai au moins 2 ans de plus que toi, je suis ton aîné, tu me respectes. Ouais, t'as 2 ans de plus et 3 poils au haut. Tu nous retrouves, tu nous retrouves Simon, et on essaie de vous aider. Bah... Vous avez l'air plus renseigné que nous. Pour trouver Simon, nous, c'est... je vous dis, nous, comment on va faire, parce que le truc, c'est que là, en ce moment, on est un peu occupé, parce que il y a ces enfoirés là de potes du centre là en face qui arrêtent pas de nous faire des provocations. Faut qu'on s'en occupe. Mais pour trouver Simon, il faut chercher les places les plus étranges. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, chaque place. Et indépendante. D'ailleurs, vous devrez faire gaffe parce que si vous notez sur un bout de papier, parce que nous, ça fait un petit moment qu'on est là, on a essayé de faire une carte du centre, ça n'a aucun sens. T'as une copie ? Ouais, je peux vous montrer ça. Tu vois qu'il va dans le magasin, il revient genre 1-2 minutes plus tard, avec une feuille toute gribouillée peut-être. Non mais gribouillonné, c'est mignon. Gribouillonné, allez vas-y. À chaque session, il y aura un mot comme ça qui ne correspondra pas. Gribouillonné du coup, et il vous l'attend. Et c'est vraiment si vous la regardez, et notamment oui, c'est ça, Kylian, qui a un petit talent en art, tu sais que, enfin, ça se voit, c'est pas juste, tu vois, genre ils ont fait des traits aléatoires, c'est, tu sens que il y a vraiment une volonté de suivre un plan, et en fait bah c'est juste que les choses se superposent, à la fin ça te donne juste un amas de traits dans tous les sens et tu comprends pas forcément. Ouais, mais bon, je lui dis, sur une feuille en 2D, c'est sûr qu'il n'arrivera pas, si tu montes et tu descends, à faire un plan. Mais tout est au même niveau, là. Normalement, ils vont terminer le niveau. Ouais. Ah non, mais là-dessus, me la fais pas. Faut être idiot pour croire que c'est au même niveau. Bon, elle est où, la flèche? Vous êtes ici? Là, par souvenir, on est par là. Et tu vois qu'il t'indique plutôt vers le nord-ouest. Ouest. Est-ce que je reconnais l'endroit où on est, du coup, sur la carte? Bah, tu regardes, en fait, comme dit, le problème, c'est qu'il y a plein de traits. Tu peux faire un jet pour voir si tu... Zut. Si tu vois, sachant que... non, toi, tu n'as pas forcément de bonus là-dessus, donc un seul dé, et on va voir ce que ça donne. Pas déjà qu'avec 4, on sort pas, alors on n'est pas rendu. On sait jamais, on sait jamais. Voilà. Ah, c'est dommage, hein. Ouais, non, mais... C'est comme d'hab, en fait. tu regardes, c'est... t'as pas beaucoup d'indications. Tu vois qu'il reprend et fait, bon, vous devez me croire sur parole. Au pire, si vous me croyez pas, prenez les infos et vous verrez que j'ai raison. Et dans ce cas, vous revenez et on pourra discuter. Mais voilà ce que je sais. Le centre, c'est une dimension qui est sans fin. Plus on continue, plus il y a de magasins et plus on peut... acheter, etc. Sauf que c'est méga dangereux. Les gens sont de plus en plus étranges. La preuve, dans cette piscine, il y a un poulpe géant. Parce qu'il y a une piscine au milieu de ce magasin. Si vous ne me croyez pas, je vous fais rentrer. Mais rien n'a de sens. Et ce poulpe est très dangereux, d'ailleurs. Il y a deux hommes qui sont dans la piscine. Oui, Simon n'est pas là. Bon, oui, t'as raison, je me concentre. T'as raison. À un moment, on est des adultes. Merde. Simon, faut trouver du coup les places les plus étranges. Plus vous avancez dans l'étrange, plus vous arrivez au cœur du centre. Et je pense, généralement, les gens qui arrivent, soit ils restent dans les magasins comme nous, et du coup, c'est assez facile à nous trouver. La preuve, vous nous avez trouvé, c'est plutôt simple. Par contre, s'ils rejoignent une personne, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils fuient, etc., finalement, ils finissent souvent piégés, et soit ils sont morts sur le chemin, soit ils sont coincés dans le centre. Donc, soit votre ami est mort, soit il est dans le centre. Moi, je pense que pour vous, ça serait bien que vous preniez... Mais bien sûr que c'est horrible, mais tu crois quoi? Vous ne les avez pas vus, les gens morts sur le chemin? Non. Non. Non. J'en ai vu en cage, juste à côté. Encore un peu la gerboulade, mais... Tu vois, ça, c'est étrange. C'est moi qui fume, c'est ça. Non, mais si, je connais. Mais vous avez bien vu des trucs étranges, ici. Ouais, d'accord. Là, la boutique à côté de la vôtre. Là, la boutique avec l'œil, je sais pas quoi. Bah, oui, mais de toute façon, rien que sur cette place, il n'y a rien qui va. Nous, là, ici, on a une parfumerie avec une piscine et un poulpe. À côté, là, il y a des animaux qui vendent des humains. À côté, il y a des fast-food qui t'attaquent. Et à côté, il y a une parfumerie. On n'est pas rentré parce que c'est un camp pour les serviteurs. Mais vous voyez ce que je veux dire. On est dans un monde étrange. Et plus c'est étrange, plus vous approchez de Simon. Vous devez avoir cet objectif en vue. Mais qu'est-ce que t'en sais si tu l'as pas rencontré? Parce que je sais comment fonctionne. C'est-à-dire que Simon, c'est pas le premier à être rentré ici. Et c'est pas le premier, malheureusement, à se faire piéger par le centre. Et vous êtes beaucoup dans Nick Levert, là? Ouais, moi... moi, j'ai... 8 personnes qui sont sous mes ordres. Mais après, Nick Levert, on est beaucoup. C'est juste qu'on est espacé un peu partout dans le centre. Mais on doit être au moins une bonne centaine, voire plus. Hein. Est-ce que tu peux m'épeler quand même, Nick Levert, s'il te plaît? Mais bien sûr. C'est N-I-Q-E. Oui. Plus loin, L-E. Plus loin, V-E-R-T. Ça fait combien de temps que t'as passé combien de temps? Pourquoi le vert? Parce que le vert, c'est la couleur du centre. Ces billets sont verts, on est dans le centre, un centre qui est vert. Et le vert, c'est sa couleur à lui. C'est vous remarquerez que... on aimerait bien, nous, la nature. Tu sais, si on arrive à sortir d'ici, moi, je retourne en forêt direct. Ça me manque. Ouais, tu vas être pote avec Joseph, toi. Bah oui, elle est normale. Il fume de l'herbe. Il ne fume pas de l'herbe, arrête. Ouais, moi je touche pas à ça. Hein, moi je touche pas à ça. Non, mais le vrai gazon. Hein, Non, mais arrête là. C'est pas cool, franchement. Vraiment. Écoutez, moi je vous trouve sympathique. Je vous ai dit ce que je savais. Pour moi, vous devez continuer à chercher et... Si plus vous approchez vers l'étrange, plus vous approchez vers Simon et vous le saurez. Faites gaffe sur le chemin, soyez attentifs, c'est dangereux et voilà. Vous savez quoi, je vais voir si je peux vous passer un truc peut-être qui peut vous aider à vous défendre, si vous voulez. Ah oui. Vas-y, je. Bah oui, file, hein, écoute. Hein. Je vais passer un savon. Je vais voir. Hein. Tu vois qui se. Il se retourne, il re-rentre dans la boutique. Il vous laisse seul encore une ou deux minutes. On n'a pas le droit de rentrer, en fait. Si, vous pouvez rentrer. En fait, lui, il rentre, mais la porte est ouverte. Hein. Vous rentrez... On discute à l'intérieur. Moi, je rentre et je vais prendre un savon, quand même. Est-ce qu'il y a des savons, au moins, déjà, à l'intérieur? Bah oui, c'est une boutique de pas... de bouger de savon. Non, c'est la boutique Nick Levert. Ok. Ils ont peut-être changé la déco, je sais pas. Non, alors, c'est effectivement une boutique de savon. Et quand vous rentrez, vous découvrez que, en fait, il dit la vérité. C'est-à-dire que quand tu rentres, il y a plein de savons. En fait, tu as une grosse salle carrée, mais au milieu, il y a une énorme piscine. Et dans cette piscine. Il y a un énorme poulpe. Dans une autre boutique. Il y a vraiment dans cette boutique-là. Ouais, c'est dans cette boutique-là. Il y a un énorme poulpe. Et à côté de cet énorme poulpe, il y a deux personnes qui sont blotties contre les parois en fait, de la piscine. Et quand ils vous voient, il y en a un qui fait psst, hé! Hey, vous revenez, il fait bon. Chacun son délire. Non, moi je m'approche tête. Pas de la boutique. Moi je m'approche pas de ça. Mais venez. Je viens. Qui? Quoi? Bah moi, Kylian. Ok. Toi tu veux y aller, c'est ça? Mais vers le poulpe ou vers le team? Ah non, et non, en fait, il vous propose d'approcher, de venir dans la piscine. De prendre un bain. Ah non. je pensais que c'était Timmy, il dit très bien. Non, c'est les deux condos dans le. Allez, venez, on est trop bien, regardez. Tu vois qu'il lève les bras pour faire genre, je m'amuse dans la piscine. Je suis sûr, c'est le poulpe qui fait ça. Genre, c'est des faux gars et il les utilise pour appâter ses victimes. Tu sais, c'est comme les poissons lanternes, là, dans la mer. Ouais, j'ai écrit ça dans une histoire, ouais. Je vois très bien l'idée. Au même moment, le jeune garçon qui vous fait la conversation de Nick Levert revient, tout content de lui, avec un gros sourire. Oui, alors faites attention, hein, rentrez pas dans cette piscine, ils sont chelous, les gars, là. Ils sont là depuis qu'on est arrivé et je crois qu'ils sont coincés. Voilà. Les écoutez pas. J'ai qu'un objet à vous proposer, mais c'est une relique très importante et j'espère que ça vous montrera à quel point je suis sincère et que si vous avez besoin de Nick Levert vous aidera. Et il tend sa main et dedans il y a un bracelet doré. Un très joli bracelet. Et il vous dit ce bracelet il protège des coups. Genre si on te frappe, ça te fait même pas mal. Ah ouais? Vas-y, mets-lui une. Mets-lui en une pour voir. Attends, je le porte pas. Je demande à Kylian. Attends, on va tester. Vas-y. Attends, mais je le porte pas. Mais tu veux essayer? Ah ouais, grave. Bah... Vas-y, mets-le. Vas-y, Kylian, mets-lui une baigne. Vas-y, ok. Tu vois qu'il met le bracelet. Il fait vas-y. Allez, Kylian. Au start. Alors, Kylian, tu vas me faire un petit test, comme si c'était un test de combat. Donc, je te mets 2d6 parce que tu es sanguin, donc tu sais donner des gros coups qui font mal. 5. Ouais, c'est pour ça que je t'ai choisi. Ok. Donc, tu réussis, tu lui mets une énorme baffe. Et tu vois que bah il réagit mais sans plus quoi, genre tu sais il y a la tête qui tourne etc. Enfin bref, il y a quand même la réaction physique, mais la joue qui se déforme. Il y a ouais voilà, tu vois, il y a le truc de la joue qui se déforme, du visage qui part, mais il y a pas plus que ça. Et quand une fois que la baffe est donnée, tu vois qu'il te regarde, rien senti. Moi je remets une. Tu en remets une. C'est pas un rêve, là. C'est le coup de pied. Non, pas le coup de pied. Par contre, faut que je vous prévienne, ça a des limites. Moi, j'avais mon pote, là, Hugo, qui portait ça. À un moment, il y a un mec, un espèce de fou, là, des serviteurs, qui a voulu. Non, pas Yeti, un serviteur. Qui a voulu le poignarder, et ben bah, ça lui a quand même fait mal. Donc je crois que ça protège, mais pas trop. Genre. non, mais. C'est bien vraiment de dire quand même. J'ai pas senti, mais on n'est pas invincible quoi. Genre là, Hugo, là, il est blessé. Ça fait une semaine là, qu'on s'occupe de lui. C'est des relous quoi. Mais par contre, on peut jouer à la bagarre avec ça, tu vois. Genre, tu te prends un coup. Tu le sens pas. Tu t'appelles comment toi ? Moi, c'est Maxime. Le bracelet, c'est pour moi. Ok. Tu vois qu'il te le donne. Mais s'il faut, moi, je peux peut-être essayer de l'aider, Hugo. Hein. Je sais un peu. Enfin, on m'a appris un peu à. Tu peux faire ça. Ouais. Ah putain. Eh, nous, ça fait. Eh, on est obligé d'aller aux pharmacies. Il y en a pas à côté. Enfin, genre, on est obligé de traverser 3 ou 4 places. C'est relou. C'est quoi? Bah vas-y, viens. Venez, je vous invite dans l'arrière-salle. Eh mais t'as pas un... Toi, avec ton kit de camping, t'as pas un kit de premier secours? Bah si, j'ai eu mon kit de premier secours, si. Bah ouais. Vous voyez qui vous emmène à l'arrière-salle, qui est beaucoup plus classique, parce que c'est vraiment des stocks de... Oui, de bougies, c'est ça, on est dans une boutique de bougies, j'allais dire de parfumerie, mais non. Vraiment des stocks de bougies, etc. Tu peux prendre un bac, tu te sers. Genre, quand tu te sers, de toute façon, il n'y a plus de vendeurs ici, donc sers-toi. C'est pas les calamars, là ? De quoi ? C'est pas eux les vendeurs, les calamars ? C'est vrai que peut-être le poulpe est le vendeur, mais il n'y a pas de vendeur, en tout cas officiellement. Il n'y a pas de badge où il y a écrit son nom, donc c'est pas le vendeur. Jette-lui un billet pour voir qu'est-ce que ça fait. Il le prend ou pas ? Est-ce qu'il rend la monnaie ? Avec ses petites pattes. Ah, j'ai plus d'encre dans mon stylo. Pour signer des chèques. Mais ouais, bref, en tout cas, le jeune Maxime, lui, est en mode non, mais servez-vous, de toute façon, le magasin était abandonné quand nous on l'a pris, donc je crois qu'il n'y a plus de vendeurs ici. Il n'y a que le poulpe. Ah ouais, non, mais. En fait, vous êtes là depuis très récemment, c'est pour ça que vous ne me croyez pas à la base. Il y a des magasins qui sont fermés, il y en a qui sont en cours de rénovation, il y en a qui sont en cours de construction depuis au moins 2 ans. Enfin, moi, je suis là depuis 2 ans. Impossible, je les ai jamais vus évoluer. Il y en a qui sont fermés pour crime. Il y a des trucs de police et tout. Les magasins. Il y a les serviteurs du centre et encore, c'est des espèces de malades là qui. Et vas-y, tu fais un truc là, ils sont à 2 doigts de te tuer. Le centre, il est malveillant, moi je te le dis. On a vu une caméra, ils nous ont dit que c'était pas la sécurité du centre et qu'ils étaient entre. Enfin, ils étaient pas du centre eux-mêmes. Ouais. Donc c'est pas des gens qui se sont invités dans le centre et le centre, il est pas. Non, c'est des caméras. Tu crois la caméra, c'est qui ? Faut pas croire tout le monde comme ça. Hein. Ah. Ouais, par contre, tu vois, c'est qui me fait moyen, ça fait 2 ans que vous êtes là, vous n'avez pas trouvé la sortie. Ça se mousse, ça fait 2 heures. Ah ouais, merde. Ça fait 2 heures ? Non, bah non. Déjà ? Oh bah ça fait 2 heures, ouais. Après, je sais pas quand on garde, visiblement, elle ment. Mais ça fait à peu près 2 heures. Ouais. Ça fait pas... Dans ma ligne temporelle personnelle, ça fait à peu près 2 heures. Mais, ça arrive. Des fois, les objets, quand on change comme ça, entre d'où on vient et le centre, ils se mettent à déconner... Vous savez quoi? Tu t'occupes d'Hugo, et si t'y arrives, je te répare ta montre. Ah, trop bien, merci. Allez, vas-y, on fait ça. Allez, bah ouais. Mais nous, Nick Levert, on est là pour les gens perdus comme nous, tu vois. Vous êtes des vrais, vous. Bah ouais. Bah, je comprends pas pourquoi le centre voudrait qu'on se méfie de vous. Mais parce que nous, on veut sortir de là. Le centre, il veut pas qu'on sorte. Le centre, il veut qu'on reste, qu'on consomme, t'as vu. Non, mais nous, la société capitaliste, ça. Fait... ça non, c'est le centre. Vous êtes là. Ouais, mais après, Hugo, parce que Hugo, c'est la tête pensante, tu vois. Hugo, c'est un petit génie, tu vois. Il avait 20. C'est un petit génie, ça fait 2 ans que vous êtes là. Ouais, mais non, mais attends. Est-ce que. Moi aussi, j'ai 20 en maths, mec. Hugo, il a déchiffré un truc et on pense que dans les boutiques de montres et horloges, il y a possiblement une porte pour sortir. Le problème, c'est qu'il faut une clé, on l'a jamais trouvée. Mais on est presque sûr que dans les montres et horloges, il y a la bonne porte. Mais ça se bricole, une clé. Ouais, mais... Je sais pas. Genre, ça marche pas comme ça, tu peux pas crocheter, tu vois. Il faut la clé du centre. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, après, c'est comme ça. Bon. Du coup, tu vois qu'il ouvre une porte. Et il y a une petite salle, vraiment, genre... très minuscule, dans lequel il y a justement Hugo qui est allongé, un jeune homme qui a 15 ans plutôt, vous le mettez un peu plus jeune, tu vois, genre que Maxime, et qui est effectivement blessé. Après, ça a l'air d'aller, tu vois, alors, il est pas dans un état effroyable, mais ouais, il est un peu fatigué, un peu blanc, mais ça va. Tu vois que voilà, ça c'est Hugo. Bah ouais, mais nous, on a fait ce qu'il faut, mais le problème, c'est qu'il cicatrise super mal. Je crois qu'il a des problèmes de santé. Bah, avant de le soigner, j'ai quand même essayé de me soigner moi, parce que j'avais une blessure légère. Et du coup, pour que ouais. Je sois plus à l'aise pour le soigner, je pense qu'il vaut mieux d'abord que je me soigne. Alors, tout à fait. Le truc, c'est que vraiment, en fait, les blessures légères, en fait... On va rentrer un peu dans le cœur du système de jeu. Se soigne très facilement. Les blessures légères, bah, c'est des bleus, c'est des coups, tu vois, genre c'est des trucs, t'as pas forcément beaucoup d'applications. Et en fait, il suffit juste un peu de repos. Donc en fait, tu vas mettre, je sais pas, un peu de crème dessus et tu sais qu'en fait, tu ouais. vas pouvoir ne rien sentir facilement en 5-10 minutes. Quoi. Ouais, voilà. Non, mais vraiment, c'est ça. c'est vraiment ça la blessure légère dans le jeu. C'est vraiment, pour l'instant, quand c'est léger, c'est. C'est ça, hein. c'est ce que j'allais faire. Hein, tout ça. Et lui, par exemple, tu vois, le fait de se faire trouer le bide par un couteau, ce n'est pas une blessure légère, c'est une blessure grave. Et donc, ça prend plus de temps à être soigné. Donc, je te fais, c'est quoi, même pas de jet pour ça. Je considère que voilà, tu arrives à te soigner très facilement et tu pourras te retirer du coup sur ta fiche le fait que tu as un dé en moins sur tes jets parce que tu as une blessure légère. D'accord. Et donc, tu peux t'occuper de lui. Par contre, pour lui, je te demande quand même un jet. Et donc, tu peux lancer... Je regarde, Joseph... 3D, parce que je considère qu'SVT, ça marche. Donc, le fait que tu sois scout, le SVT, et ton dé de base. Donc, 3D6, hein, pour essayer de soigner... Ah oui, t'as le j'ai packing, fait 2-6. Packaging presque complet. Ouh. C'est beau. Tu t'y attelles et en fait voilà, tu vas prendre 5-10 minutes pour pouvoir mieux bander et mieux aider à cicatriser. Tu vas mettre dessus les quelques produits que tu as pour blessures ouvertes, etc. Et pendant ce temps-là, tu vois que voilà, Maxime il regarde un peu stressé, etc. Je sais pas du coup, Ambre et Kylian, ce que vous faites pendant que Joseph soigne. Oh. Ah, je regarde, pas grand chose. Ok, vous pouvez, vous avez pu aussi aller vous balader. On admire le talent. oui, Kylian ? Ouais, je me balade dans les rayons. Ouais, tu te balades dans les rayons. Alors, les rayons sont assez simples, parce qu'encore une fois, la pièce principale est genre une grosse pièce carrée avec les bougies qui font vraiment les murs et le reste, c'est la piscine. Quoi. Donc, c'est malheureusement. Je vais énerver les poules en leur balançant des bougies dans la gueule, mais bon, je pense que ça va mal se passer. Je note que t'as très envie. Je transforme un billet en petit avion et je l'envoie sur le poulpe pour voir. Je suis surprise de savoir s'il rend la monnaie. tu envoies un billet. Tu vois que ça touche le poulpe. Et quand tu le fais, les deux personnes qui sont dans la piscine disent non, non, non, non, non, faites pas ça. Et tu vois que. Ça énerve le poulpe et il se met à patauger, genre, mais de manière très énervée. Et tu vois qu'il balance toute sa frustration, non pas contre toi, mais contre eux. Et il les tabasse en fait avec ses pattes et tu les vois en fait appuyer sur leur tête à chaque fois qu'ils sortent de l'eau. Eh ben, faut le sortir de là, il aime pas l'argent, il peut nous défendre. Faut qu'on l'amène avec nous, quoi. Bon, alors je suis désolée. En fait, si on l'agresse, il va faire noyer les mecs, quoi. Bah attends, est-ce que vraiment c'est des mecs? Ça se trouve, ils se tapent tout seuls pour faire le sketch. Bah, on voit qui sont les mecs qui se font noyer, là. Bah, vous les voyez, après, ils sont pas noyés, et, tu vois, ils ont le temps de respirer, tu vois, à chaque fois, ils ressortent de l'eau. Mais par contre, ils se reprennent des grosses baves directement, quoi. Alors, on vient toujours se baigner avec vous, c'est cool, tout ça. Je te jure que c'est super. Bon, bah, visiblement, ils sont contents, on va pas les contrarier. Et au pire... Non, mais... Je suis pas là, de toute façon. Ouais. J'ai bien envie de remplir le truc de hamburger, tu vois. Ah, moi, je sais avec de l'argent, mais... Ouais, par contre, moi, je trouve pas la porte du hamburger, je suis même pas sûr qu'elle s'ouvre encore. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous... Enfin, vous... Pendant que vous faites tout ça... En plan de la bougie, ça pourrait le calmer, hein, le poulpe. Ouais, mais c'est le scout qui a le briquet. Bah, ouais. Je vais aller le chercher et je vais allumer quelques bougies en forme de pentacle. T'allumes des bougies que tu as disposées en forme de pentacle pour rigoler. Et bon. Oui. Ah ouais, non, mais je vais en placer quelques-unes, tu vois, mais juste pour voir. Hein, parce t'aurais que je pu. Me dis... hein. T'as le temps. Oui, bah si j'ai le temps, oui, bah je m'amuse à allumer toutes les bougies que je vois, tu vois, et j'en mets partout. Ok, t'as eu plein de bougies. Ouais, ça fait une grosse odeur. C'est d'ailleurs la seule réaction que t'auras, c'est Maxime qui vient voir et fait « Oh putain mec, t'abuses !»« Ah mais non, vas-y là !» Ah bah c'est pour détendre le poulpe, tu sais, après, avant de le manger. Mais il se détend pas, en plus tu pourras pas le manger, t'as vu comment il est balèze, le truc il fait 4 fois ta taille là. Oui bah j'ai bien vu. Dès qu'on lui a lancé de l'argent ou une bougie, il va noyer les mecs. Non mais il noie pas, nous aussi on a essayé, mais il les frappe juste. Il meurt pas. C'est... Non mais ils ont aimé ça de toute façon. Ouais non mais... Mais je sais pas pourquoi, ils sont toujours en mode ouais il faut venir, on s'éclate et tout. Moi pour moi c'est un piège, c'est des... C'est... Tu vois, c'est des bâtards. Vous avez analysé l'eau pour voir s'il y avait des substances dedans. Ah non, non. Non mais on n'approche pas de ça, nous. Tu sais, on fait notre vie derrière, on est tranquille. Le poulpe, on le laisse là. C'est le poulpe du magasin, on le laisse là. C'est dangereux. Bon, il m'a pas rendu la monnaie, par contre, je suis déçu. C'est bien tenté. Pendant ce temps-là, du côté du coup de Joseph, tu finis par réussir à t'occuper de lui, tout va bien. Et donc, tu vas pouvoir aller voir Maxime, tout content de toi, lui dire que c'est bon, et tu vois que genre Maxime est super content, il en a, putain, c'est cool, mec, et du coup, il prend ta montre, et il fait, bah vas-y, tu sais quoi, je te la répare, et donc, il retourne à l'arrière-boutique, et tu sais pas, il va aller s'occuper de ta montre pendant 1-2 minutes, il revient vers toi, il fait, ah, ça y est, tu vois, genre, il n'y a plus de décalage, tout ça fait souvent ça, parce que c'est le passage entre les deux, tu vois, genre, ça fait chier le... Allez, je vois. Allez, tranquille, hein, merci. Ah bah t'inquiète. J'espère qu'il va aller mieux. Hein. Bah j'espère aussi. Mais c'est que, vous êtes trop sympa. En vrai, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous venez. Moi je fais passer le mot à tout Nick Levert, vous êtes des potes. Il y en a d'autres? Bien sûr, il y en a d'autres. Ouais, attends, on n'est pas si peu nombreux. Il y en a plein, partout. Tu pourras en trouver un peu partout dans le centre, en fait. Tu vois, genre le centre, il est infini, de toute façon. Je suis même pas sûr de tous les connaître, mais... Bon, nous, on va décamper. Hein. Allez, merci pour l'anneau. Hein, Mais avec plaisir. Et surtout... Et pour le bracelet. N'oubliez pas, l'important, c'est rester sur ce niveau et d'approfondir au maximum quand il y a des trucs étranges. Quoi. Genre, plus c'est étrange, plus approcher de Simon. Et ouais, faites pas confiance à tout le monde. Hein. Bah, les niveaux inférieurs, en fait, ils sont chelous. Les trucs, ils bougent tout le temps, c'est jamais la même chose. Et surtout... Ça t'approche jamais vraiment du centre, du cœur du centre. C'est un truc à part. Non, parce que là, en termes de chelou, la boutique d'à côté, je pense qu'on a le pompon quand même. Moi, j'ai failli dégueuler deux fois. Y a plus chelou. Hein. Sur le truc de l'animalerie, c'est entre nous. Hein, mais sur une place un peu plus chelou que celle-là, y a un chat, il bouffe des gens. Genre un chat géant. Les gens sont en cercle autour de lui, le chat les bouffe. Okay. C'est où sur ton plan là? C'est par là, je sais plus. Tu vois, qui t'indique un peu plus au sud. Ouais, donc on va vers le nord. Ouais. Non, mais voilà, après. Voilà, faites gaffe, quoi. Faites gaffe. Bah, on va faire gaffe. Il y a une boutique qui vend de la mort au chat. Oh, honnêtement, je crois qu'il y a tout dans le centre. Hein. Moi, j'en ai pas trouvé, mais je suis sûr que si vous cherchez bien. De toute façon, le centre, il fait en sorte qu'il y a toujours ce qu'on a envie de chercher. Ouais, pour l'instant, il sait pas vraiment ce qu'on avait envie de chercher dans la boutique d'à côté. Ah, non, mais il y avait pas les parfums que je prends d'habitude. Moi, ça m'énerve. C'est le centre. Hein. Le centre, il veut te faire plaisir, mais il sait plus. Tu vois, genre le centre, il grandit à l'infini. Enfin, c'est un délire. En vrai, c'est un délire. Moi, je vous souhaite bon courage. Et vous avez vos téléphones? Ouais. J'ai des talkies. Ouais. J'en avais filé un peu à tout le monde à l'arrivée. Des fois que. Mais... J'ai pas de téléphone, non. Ok, bah. Le téléphone, c'est pour les nuls. Le. Pour les losers. Ah, le mec, c'est pour il lève les yeux en l'air en mode. Ah, ok, très bien. C'est pour les bobos, quoi. Faut savoir pour les téléphones, parce que. On a tendance à les perdre, à les retrouver. Déjà, ils sont. Je sais pas, ça. En fait, le centre essaye de. Il y a des gars dans le centre qui essayent de prendre du numérique et généralement ils se passent par voler les téléphones, des trucs comme ça. Donc si vous perdez votre téléphone, c'est sûrement ces mecs-là. Et il y a un endroit où on peut capter dans le centre. Ouais. Super. Mais genre, les top-key, c'est bien en fait. Hein. Bah ouais. Mais en tout cas, moi je vous passe mon numéro comme ça si vous avez besoin. Ouais, bah tiens, je te passe le mien. Moi je l'échange. Okay. Vous échangez. Ouais, j'avais juste cassé de talkie pour les copains, du coup. On peut pas t'en laisser à toi. Ouais, non, mais ça je comprends, c'est pour ça que je donne mon numéro de téléphone. Mais gardez les talkies pour vous, évidemment. Ouais, du coup, le seul endroit où on peut capter, je vérifie juste que maintenant l'information n'est pas permise. Oui, c'est ça. C'est dans les magasins L'œil magique. C'est les seuls. Non, mais ils sont nazes, de toute façon. Ouais, mais tu captes c'est... là-bas. Tu sais, t'achètes pas, d'accord. Tu passes, tu t'appelles, et puis et tu repars. Vous avez envoyé des messages de secours, enfin, d'appel à l'aide? Ah, mais ça capte qu'avec des numéros qui sont à l'intérieur du centre. Si t'appelles à l'extérieur, il se passe rien. D'accord, il y a un réseau interne. Comme par hasard. Ouais, mais c'est le centre. Le centre, c'est un piège. C'est vice-là. Hein. C'est un piège que on n'avait pas deviné. Est-ce que les gens peuvent t'appeler de l'extérieur quand t'es dans le centre? Alors, moi ça m'est jamais arrivé, ça se trouve c'est possible. Hein. Genre tes parents ils auraient pas essayé de t'appeler, tu crois? En 2 ans? Bah ouais, mais on n'est pas dans les magiques H24, ça prouve que je rate les appels. Ouais, mais t'as quand même normalement le journal d'appel, tu sais, t'as l'historique des appels manqués et tout. Ah, j'avoue. Ah, du coup ça doit pas marcher. Hein. Si ça marche pas dans un sens, pourquoi ça marche que dans l'autre, tu vois? Ouais. C'est pas logique. Pourquoi pas? À la campagne, des fois, toi, tu peux pas appeler, mais tu reçois quand même les appels. Ouais, t'entends pas très bien, quoi. Bon, bah merci, hein. Bah, à la prochaine. Hein. Pas de soucis. Ou pas, hein, peut-être qu'il sera sorti avant, hein. Qui sait? Ouais, j'espère que tu nous diras si t'arrives à trouver la sortie. Ah mais clairement, je vous préviens surtout direct. Surtout si tu trouves Simon, hein, tu nous dis parce que... Pareil, si on trouve Simon, je préviens direct. Moi, je fais passer le mot à Nick Levert. Si on a la clé, on vient de voir direct aussi. Allez. Vous pouvez donc quitter la boutique de ça. La boutique de ça, bien sûr, la boutique de parfumerie. La boutique qui pue, numéro 2. Vous voyez que Maxime, peu de temps après votre passage, enfin, si vous restez genre 2-3 minutes, ouais. Il s'en ira. Bah, du coup, chercher une boutique de l'œil magique pour faire passer le message au reste de l'équipe. Bon, bah, j'ai retenu qu'on pourrait sortir d'ici en passant par les horloges. Vous voulez toujours changer de fringue? Ouais. Parce que du coup, l'œil magique la plus proche, je pense que c'est celle par laquelle on est passé juste avant. Là, on prend la deuxième à droite et on remonte à la boutique de fringues de sport. Oui. Bah oui, allons-y, allons-y. Du coup, on suit. Est-ce qu'on, du bah, ouais. coup, est-ce qu'on suit Maxime? Ouais. Ouais. Bah, vous pouvez suivre Maxime, faites un bout. Il prend bien ce chemin-là. Ouais, bah c'est ça, c'est exactement ça, vous prenez ce passage-là. Je vous mets déjà le plan, parce que bah, vous l'avez déjà eu, donc au moins, c'est plutôt facile à partager. Je change la musique, et on passe. Donc on arrive par le haut. Vous arrivez exactement... Par le haut en biais. Ouais. Parce que là... Ouais, c'est ça. Ouais, normalement, on était arrivé, on avait pris à droite. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça, parce que vous avez pris justement le chemin, d'ailleurs... Il y a plein d'indications là sur le truc que tu nous as envoyé. Chut, tu n'as rien vu. Ah si, j'ai tout vu. Merde. J'ai lu mais j'ai pas merde. Bah non mais attends. J'étais remonté pour voir le plan. Bon, les billets verts qui sont partout, ça je suis d'accord, mais le train miniature. Non, de toute façon c'est pas grave parce que le train miniature vous l'avez vu d'avance donc. Ah ouais. Ouais vous êtes déjà passé dans c'est la boutique de sport. Et du coup, ça va. Ça va. Mais il faut que je fasse gaffe, faut pas que je vous envoie les plans MJ, parce que sinon... Désolé. Reprenons, mine de rien. Mais tant mieux. Donc tant là, mieux. On arrive, la boutique est à droite. Qui l'anneau, en fait, pour pas se faire cogner C'est le du coup, bracelet, c'est moi. C'est toi, ok. C'est un bracelet, ouais. Bah, c'est un petit bracelet en or fin, on se dit... Ouais, moi j'ai pas envie de porter ça, moi. Si c'est pour pas avoir mal quand on s'est frappé, franchement. Trop tard, j'ai des prums. Allez, la boutique de fringues. De toute façon, c'est du changer. Oui, je vais changer, c'est bon. Allez, hop, on va en plus se laver, tu sais, on a du savon, on va se laver dans les toilettes qui se trouvent dans le. Ah, mais dans là, je suis... Non, les toilettes, elles sont au-dessus de là où on vient. Ils sont ici. Ils sont ici. Et les toilettes aussi, ici. Les toilettes ici aussi. Je te dis ça. Moi, il me semblait que c'était la Ouais, ce sont aussi des toilettes, ouais. D'accord, ok. Ah, je l'avais lu sur le plan précédent, donc je pouvais pas le pomper. Chut, tu n'as rien lu. Bon, ouais. Il y a encore les mecs qui chuchotent là dans la boutique. Ouais, mais là, ils sont plus en position de chuchotement. Ils sont tous, tu vois, un peu dispersés et visiblement en train de remplir des sacs, etc. Ah, ne faites pas attention à nous, on va vous déranger. Ouais, moi, je vais aller chercher t-shirt, pantalon, chaussettes et bottes. Ouais. Prends un petit pull pour les rayons froids. Ouais, c'est vrai. De toute façon, vous êtes en sport d'hiver, donc tout est en méga renforcé, en grosse laine, etc. Et vous trouvez très facilement ce que vous cherchez, donc vous pouvez vous changer. Par contre, voilà, ce sont des tenues qui vont tenir un peu chaud. Vous allez être beau en damar. Non, moi je prends les trucs stylés, hein. Faut pas... Je prends les... Est-ce qu'il y en a des trucs stylés? En vrai, maintenant, si on a des trucs stylés. Ouais, maintenant, mais est-ce qu'on est à maintenant? Parce que le supermarché, on était à pas maintenant du tout. T'inquiète pas, je sais rendre les vieux vêtements stylés. En vrai, c'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'au supermarché, on était pas maintenant du tout. Mais c'est vrai que cette boutique est très à la mode, très moderne. Vous dites, c'est clairement du 2021, sans problème. Voilà. C'est bête. Ah, c'est parce que tu connais le MJ. Du coup, je m'habille. Je prends les vêtements que j'aime bien. Hop là, paf, paf. Et je prends un manteau aussi, mais que je vais pas forcément mettre sur moi. En fait, que je vais prendre si jamais il va faire froid et tout. Ouais. Bah, moi, pareil, je m'habille tranquillement. Je mets pas de manteau. Hein. Ouais. De toute façon, ça, c'est déjà fait pour tenir assez chaud. Hein. Mais non, mais parfait. Vous changez. Vous êtes maintenant tout beau, tout propre. Hein. Comme si vous n'avez jamais rencontré la route de ce fast-food rempli de burgers assaillants. Et vous pouvez donc décider d'où vous reprenez la route. D'ailleurs, quand vous sortez de la boutique, il y a Maxime au loin qui vous hurle que c'est bon, ils sont au courant, et qui retourne à son QG. Bon, du coup, on essaie d'autres chemins. Bah, on voulait faire les poubelles. On peut remonter. Bah non, du coup, on descend pas. Il nous a dit de pas descendre. Ouais. Ouais, mais c'est le mannequin qui nous a dit qu'il était en bas. Ouais, bah, le mannequin, il est où là? Ouais, mais tu sais, le mannequin est dans la boutique de sport d'hiver, si vous voulez. Ouais, Maxime nous a dit de pas faire confiance à tout le monde. Hein. Et le mannequin, ça ressemble vachement à un truc du centre qui serait là pour nous indiquer les trucs où il faudrait pas aller. Mais... Et tout. Il a bon cœur en plus, hein. Il fait une bonne volonté. Rappelez-vous. Ouais, mais tu crois que Maxime nous aurait menti? Je dis pas, mais bon, il est un peu teuteux, quoi, Maxime. Mais bon, après, c'est mon idée. Il est pas teuteux, regarde, il a réparé ma montre. Oui, c'est vrai. Tu dis ça juste parce que tu l'as agressé, il t'a répondu, et voilà. C'est pas vrai. Ouais, si, c'est vrai. Hein. C'est pas vrai, je te dis. Bah, t'as pas l'anneau, toi, hein, je te rappelle. Ouais, j'ai pas l'anneau, mais fais gaffe, hein. J'ai un briquet. Ouais. Que décidez-vous de faire? C'est vrai que ça bracelet. Moi, je tirais toujours l'anneau. C'est fini. C'est un bracelet. Que décidez-vous de faire? Alors, moi, je propose qu'on remonte là où on était. Et on peut peut-être repartir sur une des routes qu'on n'a pas faites plus haut. Et on avait plein sur ce point. Ouais, entre le fast-food et Et l'animalerie, par exemple? Yep. L'animalerie, ouais. C'est un grand mot, mais ouais, pourquoi pas. L'humanerie? L'humanerie. Human. Ouais, ça me va. Alors, attendez. Donc, vous retournez sur le... sur celui d'avant, et donc vous prenez la route voilà, qui est entre l'animalerie et le fast-food, vous me dites... En haut à droite, donc, c'est bien de prendre toujours le même sens, comme ça, après en demi-tour, c'est plus facile. Ok. Mmh. Je vous envoie le plan. Vous enfoncez, je vous laisse donc saouler, échanger un peu. J'ai pas vu le plan tout à l'heure. Je ne me tromperai pas. C'est fini. Non, mais si jamais il y a une baston, je vous le prêterai, le bracelet. Non, mais tu sais pas te battre, toi? Je croyais que tu sais te battre. Ouais. Non, bon, moi, je mets des coups de tatane, mais non, moi, je fais de la musique, moi. Bah ouais, en plus, avec tes bottes, après, tu vas faire si... J'ai la guitare pour mettre des maraves, mais... Mais moi, je sais pas me battre, hein. J'ai peut-être mon couteau pour couper du bois, le petit bois, mais... Non, ouais, mais moi, j'espère que t'as au moins ton instinct de survie, quoi. Oui, j'ai mon instinct de survie, bien sûr. Voilà, mais bon, après, voilà. Le reste, c'est que de la technique. Bah... Moi, je suis quand même... Voilà. Moi, je suis plus parti pour être un médecin que pour être un boxeur. Hein. Eh ben, c'est bon, tu sais faire des trous. Allez, bon, alors, qu'est-ce qu'on a, là? Eh bien... Glace et de la patinoire. Putain, bah, vous avez bien fait de prendre du chaud. Moi, par contre, avec mon sweat à capuche, j'ai peur que ce soit un peu juste. Joseph avait pris un manteau en plus au cas où. J'avais pris mon manteau, au pire, je te le prête. Mais bon, il sait pas trop mon style, quoi. Non, c'est clair, c'est moche. Celle qui a un dans les cheveux qui me dit ça, quoi. Ouais, non, mais c'est violacé, là, je sais pas, c'est quoi ce couleur. Aubergine, qu'est-ce que t'as pris, quoi? Aubergine, oui, mais ça va super bien avec mes yeux, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce que c'est une aubergine, qu'est-ce que... C'est un légume. Quoi? Pour décrire un peu la place sur laquelle vous arrivez, c'est une place qui est un peu comme la toute première que vous avez vue, une place avec en son centre une magnifique voiture en démonstration. Cette fois une voiture bleue, d'ailleurs. Il y a les clés dessus. Eh bien, excellente question. Lance-moi un petit dé pour savoir la chance. Allez, si. Tu vas voir, tu vas en réussir à un moment. Non, mais c'est bien, il y a au moins une personne optimiste. Voilà. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu faire 1. T'as fait combien? Même si ça change rien. Ok. Mais non, mais faut pas me laisser jeter les... Eh bah... Non, mais si. Et puis tant mieux, parce que comme ça, voilà, il n'y a pas les clés sur la voiture. Désolé. C'est trop nul. ouvrir le coffre, moi, de la voiture, pour voir ce qu'il y a dedans. Faire quoi? Tu ouvres le coffre, le coffre est... Faut remonter les allées avec la voiture, pour gagner du temps. Le coffre est vide, parce que bah, c'est une voiture en démonstration, donc... Malheureusement, il n'y a rien de spécial. Je me dis, vu que c'est un endroit bizarre, il y a peut-être des trucs bizarres dans des endroits où tu n'y attends pas. Tout à fait. Et vu que je suis d'un naturel curieux sur le truc, ça m'intrigue. Non, mais je me disais que la voiture, ça aurait pu être pratique pour remonter les allées plus vite, quoi. Ouais, c'est vrai. T'as le permis ? Je sais pas conduire. Non, mais on s'en fiche. J'ai déjà vu mon père, t'appuies sur les pédales, il y a un moment, ça roule, quoi. Moi, pour avoir conduit des tracteurs, je t'assure que c'est pas pareil. Hein. Ouais. Tout le monde conduit, ça doit se faire, quand même. Mais c'est facile, hein. En tout cas, que désirez-vous faire? Est-ce que vous avancez? Est-ce que vous visitez une boutique? Est-ce que vous cherchez peut-être des traces de Simon? Dites-moi tout. Alors, je crois qu'il y a la boutique de glace parce que je sens qu'on va se retrouver avec plein de crèmes glacées partout, même si j'aimerais bien en bouffer une maintenant. Non mais vous pensez qu'à bouffer, les gars, quoi. Bah non mais une bonne glace, quand même. Tu peux pas dire non à une bonne glace. Pistache rhum raisin. Ouais, la glace est surfait. Ah, mais on dirait les goûts de mon grand-père, là. Oh, c'est trop bon. Ouais, mais la patinoire, ça va cailler. Moi, j'ai des souvenirs de films d'horreur avec des patinoires. Je suis pas très... Je sais pas, moi, je suis pas très film d'horreur. C'est quoi comme film? Panique à la patinoire. Panique à la patinoire 2. Panique noire. Bon, est-ce qu'on passe pas dans un autre hall, peut-être? Ouais, y a pas grand-chose ici, quand même. Ok. Ok, ok. Bon, là, le chemin est simple, c'est tout. Et là, on avance. Ouais. Vous avancez. Alors, excusez-moi, du coup. Non, mais de toute façon, je vois pas qu'est-ce qu'il foutrait à la patinoire, sinon, chose à foutre... Un Yeti, oui. Tu vois, ça m'étonnerait pas qu'il est en train de faire du patin. Yeti, ouais. Il voudrait le bouffer, il voudrait pas faire du patin. Et peut-être que c'est comme ça qu'il mange. Il fait du patin peut-être. Derrière les gens qui patinent. Je pense plus qu'il serait au magasin de glace, tu vois, le Yeti. Il aime les trucs de froid, donc il mangerait quelque chose de froid, enfin, voilà. Bah, non, justement. Il est déjà dans le froid, et du coup, je pense qu'il est content de manger chaud. Vous avancez, et vous traversez du coup la place, puis le couloir. Et au moment où vous êtes en plein milieu de traverser le couloir, donc je rappelle les couloirs, hein, pour donner un peu physiquement ce que c'est juste en fait, des allées de boutiques fermées qui permettent en fait, de rejoindre un passage ouvert, hein, qui sont les fameuses places. Et au milieu de ce couloir... Alors que vous avancez d'un seul coup, vous remarquez que sur le côté se tient un petit garçon que vous mettez à peu près dans les 8 ans. Et le petit garçon vous regarde passer. Il a une mine un peu triste, mais vous voyez qu'il n'ose pas venir à vous. À vous de me dire si, du coup, ce que vous faites, si vous décidez de continuer ou si vous vous intéressez au petit garçon. Moi, j'ai peur aux gosses, alors j'ai continué. Je vais m'avancer vers lui. Un peu le mec sympa du groupe. Non, mais moi, j'ai la moitié du crâne rasé, des cheveux fluo et des... Non, ben voilà, moi, j'ai peur aux gosses, ouais. Quoi, donc je sais pas. Non, moi, je m'approche de lui, je vais... T'es perdu ? Y a pas d'amis. Comment ça, ils sont perdus ? C'est-à-dire que quand il fait voir des amis, ils disent que je suis un monstre. Et pourquoi ils disent que t'es un monstre? Ouais, parce que ils disent que je fais peur. Bah non, tu fais pas peur, t'es normal. Il commence à me faire flipper quand même. Hein. Ouais. C'est un enfant, c'est normal. tu vois, genre, ils disent que je suis même pas vrai. T'es vrai, là, t'es devant moi, tu vois. Bah ouais. Tes potes. Mais ouais, mais tout ça à cause des bouches. Tu fais quoi avec les bouches? Bah, moi, je fais rien. C'est mes bouches. Des bouches? Bouches. T'as combien de bouches? Bah, sur le visage, j'en ai une. Et tu vois, qu'il ouvre son manteau. Sur le corps, il y en a deux. Non, mais, ah, trois. Oh, là, ça, ah, quatre. Mais tes copains. Je reviens et je fais cool. Tu vois que quand tu... Je me regarde en train de se déshabiller devant moi. Pas voir ça, moi. Tu vois que quand tu fais cool, il te regarde et fait... Ah, vraiment, t'aimes bien? Ah ouais, c'est énorme. T'as fait tatouer ça où? Pas tatouage, c'est mes bouches. Ouah, c'est pas grave, c'est cool quand même. C'est un peu comme les piercings, mais avec des trous, en fait. On va peut-être y aller, hein. Les piercings, c'est pas avec des trous, de base? Bah, tu mords pas, au moins. Bah non. Ah, c'est les enfants, ça mord, d'habitude. Oh, bah non. T'aurais vu un Yeti, par hasard? Un Yeti? Ah bah ouais. Non, mais surtout, est-ce que t'as vu un garçon qui est grand comme ça, avec les cheveux comme ça? Rond mais en amande. Bah, tu sais, moi j'ai essayé d'avoir garçon et je sais pas si c'est lui, mais il était perdu. Oui. Ouais, il était perdu vers où? Je sais pas, c'était plus proche. Il faut continuer par là. Et après, c'est quand ça devient bizarre. Ouais, ok. Tu saurais nous montrer vers où? Ouais, bah, continue. Couloir. Tu viens pas avec nous? Bah, moi, je dois attendre là. Mais, on doit venir me chercher, on m'a dit. Qui ça? Ça fait combien de temps que t'es là? Bah, c'est mon papa. Bah, je suis là depuis genre une heure. Et ton papa, il a le même truc avec les bouches? Non, mon papa. Non, mon papa, un très joli garçon. Très bien. Bon, bah, on va te laisser attendre avec ton papa. Enfin, ton papa. Ah, ok. Bah, vous êtes gentil. Oui. Bah, Ah, on n'est pas méchants. Bah, vous deux, quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Toi, t'es quand même bien méchante. Hein. Vous êtes pas gentil, mais vous êtes pas méchant non plus, c'est vrai. Bah, après, on n'est pas méchant, c'est qu'on est gentil. Bah, non. Non, je dirais plus que t'as pas été sympa avec nous, mais bon, après, voilà. Moi, je vous filme des talkies, je vous amène faire le shopping et tout. Attends, moi, je suis pas sympa, ouais. T'es sérieux? J'ai trouvé qu'on était dégueulasse et tout. Arrêtez de vous battre, je vous offre mes bonbons. C'est quoi comme bonbons? Eh bien... Je dis ça parce que je mange des cachous. Regarde. Et tu vois qu'il te sent un sac qui est opaque, genre un sac genre plus cartonné, tu sais, un peu les sacs qu'on a plus d'habitude aux États-Unis qu'en France, c'est pas les sacs, comme des sacs en de plastique chips, transparent. Ouais, comme les sacs de chips. Et tu vois qu'il te le tient, il est trop bien, il y a toujours des bonbons dedans. Oh, grave cool. Bah non, garde-le. Si tu veux manger, si tu restes là et que ça dure longtemps. On peut faire des petites poussées. Hein. Moi, j'ai des sacs de nourriture. Mais après, c'est parce que moi je vous aime bien que vous avez été gentil. Vas-y, je prends son sac de bonbons, je le remercie. Mais t'en as d'autres, hein? Bah ouais, et tu vois qu'il en sort un deuxième. Ok. Il fait pareil, hein? Ah, il fait pareil. Non, mais c'est pas les enfants, mais s'ils crèvent de faim, je m'en voudrais un peu. Mais je préfère qu'il crève de faim que genre il a plus de chicot à cause des caries, quoi. Non, mais t'en sais rien comment ça fonctionne le bazar là. Si ça se trouve, il a jamais de caries ce gosse. Ouais, vu le nombre de bouches. Au pire, voilà, tu vois, s'il a des carrés dans une bouche, il dit une autre. Je mange avec une autre. Ouais, allez, moi je me sers dans le paquet de bonbons, et qu'est-ce que j'ai? Pitié, pas de réglisse, pitié, pas de réglisse. Ah, du réglisse. Tu sais, il y a que des cachous dedans, là, je suis là, oh non. Tu tiens un bonbon, malheureusement, c'est un réglisse. Yeah non, mais non. Vas-y, passe, moi j'aime bien ça. Tiens, je te le donne, Joseph. Ah, mais je suis dégoûté. Moi, franchement, c'est difficile. Si tu tiens un deuxième bonbon, ce n'est plus un réglisse, ça devient genre un crocodile, hein, une connerie comme ça. Ouais, mais pas au citron. Moi, j'ai des goûts difficiles. Alors, tu as fait 6, donc 6 au citron. Ah, non, mais... C'est pas parce qu'il est jaune qu'il est au citron, c'est tout goût gélatine avec du colorant. Mais ça sent le citron. Ouais, ça sent vite le citron. Ça sent le citron, mais ça n'a pas vraiment goût de citron. Et par contre, il y en a à l'infini comme ça, des bonbons. Oui. Skip. Mais on peut faire le petit poussé. Bah ouais, mais le problème c'est que les bonbons ça se mange, alors que si je marque avec mes bombes de peinture, il y a plus de chances que ça parte pas. Ouais, mais moi j'ai une question, si on prend le sac et qu'on le retourne, est-ce qu'il tombe à l'infini des bonbons ou pas? Eh bien, si tu le fais, oui. Genre tu le retournes et ça tombe. Ah, et là je vais me servir à des bonbons... Mais c'est dégueulasse, c'est tombé par terre. Ouais, bah c'est pas grave. Ça, ils ont plus de goût, quoi. Moi, je touche pas, hein. Moi, c'était juste pour voir si ça marchait. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser de façon différente, ce sac. Ah, mais l'autre, il mange par terre, quoi. Mais au pire, tu sais, t'as un parterre de bonbons qui se fait, et tu manges les bonbons qui sont sur ce parterre de bonbons. Non, je prends même ceux qui sont sur le sol. Mais, non, c'est bon. Et là, j'en ai 3 dans la bouche, là. Je mastique, et puis je reprends d'autres. Ils sont bons, hein, en vrai. Mes préférés, c'est... graines de tournesol salées. Ouais, c'est pas vraiment bon. J'ai Mora qui est en train de ronger un petit peu mon sweat, donc faudrait que je lui donne un peu à manger aussi. C'est vrai, c'est vrai. Bah, il aime pas la guimauve. Non, suffirait pas de sucre. On aurait pu prendre un burger pour lui s'il fallait. Bah, je fais pas de viande, mais t'es ouf, toi. Non, mais le pain. Qu'à pour l'instant, t'en as pas eu. Mais ça sera l'occasion de faire une boutique pour aller en chercher. Bah là, je sais pas, on arrive à un endroit. Oui, tout à fait, justement. Ouais, parce que du coup, vous êtes remis en marche et vous arrivez sur une nouvelle place. Cette place-là, vous voyez que, comme ça vous est déjà arrivé, il y a tout simplement 2 escalators, un escalator qui descend et un escalator qui monte. Alors quand vous arrivez, l'escalator qui monte est celui qui se trouve juste à votre gauche, c'est celui qui du coup, si vous regardez le plan, est à gauche. Il y a l'escalator qui descend qui est à droite, qui se trouve entre les 2 magasins. Et en fait, les 2 nords, donc ceux qui font comme ça pour ceux qui regardent ma caméra, sont ceux qui ne vont ni en haut ni en bas, excusez-moi, qui sont restent du coup sur le même niveau. Donc en face c'est un couloir, à côté c'est un couloir, derrière nous c'est un escalator qui monte, et à notre droite c'est un escalator qui descend. Exactement. Ok. Et vous regardez un peu, il y a encore une patinoire et un marchand de glace, il y a un petit rajout de bougies et savon, et surtout il y a une boutique de montres et horloges, et il y a une boutique qui a l'air totalement fermé, mais qui a gardé la structure, enfin qui est fermé, genre il n'y a plus rien dedans, c'est, vous savez, c'est, les affiches sont arrachées, etc. Mais malgré tout, il y a. Enfin, elle est quand même là, quoi, elle est présente. C'est pas comme les autres qui sont fermés rideau fer. Ouais, c'est ça, c'est un box vide. Bon. Ouais, est-ce qu'on peut. Ouais, l'horlogerie. Ouais. Parce qu'on. Bah, de toute façon, à quoi ça sert d'y aller si on n'a pas la clé? C'est vrai. Est-ce qu'il y a un bout de paroi où il y a écrit Nicle Vert? Ouais, à côté de, par exemple, de la bougie, de la boutique de bougies. Ouais, ils sont peut-être pas spécialisés en bougies, hein. Bah, je sais pas. Hein. C'est un bastion. Alors, il n'y a aucun tag sur aucun des 5 magasins qui vous font face. J'ai plus envie d'aller voir la bougie s'il y a toujours une pieuvre à l'intérieur. Ok. Ouais, si les autres sont d'accord. Moi je suis pour l'horloge. Bon, on peut l'attendre 3 secondes, si c'est juste jeter un œil pour voir. Il y a quelque chose au milieu de la salle ou pas? La place. Au milieu de Non, pour le coup, c'est une grande place vide et qui te met juste des indications pour monter ou descendre. Mmh. D'accord. Moi, je m'en fous. Est-ce qu'on va, hein, en vrai? Vas-y, je... on va 5 minutes bougie et ensuite on va à l'horloge. Mmh. Ok. On rentre, on sort, ouais. Au pire. C'est ça. Vous allez arriver, du coup, au niveau des bougies. Alors, il n'y a pas de tag, malheureusement. Et... Quand vous ouvrez la porte, je demandais du coup à la personne qui ouvre la route, le chemin, j'ai oublié comment l'expression, Kylian, je pense, du coup, de faire un petit jet d'agité, sachant qu'en fait, si tu rates, tu vas tout simplement te ratamer sur le sol, te prendre une petite blessure légère à cause des bleus que tu vas te prendre. Sachant que je te mets 2d6 parce que tu as le basketball qui me... Tu peux jouer dessus, t'es un peu physique. Ok. Tu rentres, et en fait, le truc c'est que, bon, déjà, rien à voir en termes de disposition, il n'y a pas de grande piscine avec un poupe au milieu. Par contre, le sol a l'air d'être totalement recouvert de bougies, de savon, et du coup tu glisses sur les savons et en fait tu te rétames au sol, et quand tu tombes, je te redemande un petit jet, cette fois c'est pour la chance, et si tu te rates, en fait tu vas te tomber contre une des bougies, tu vas même te brûler. Moi, j'ai raté. Eh bien, désolé, c'est moi. Exactement comme j'ai dit. En tombant, du coup, tu glisses à cause du savon, et donc tu vas te taper, en fait, malheureusement avec un peu de vitesse, contre bibliothèques où il y a plein de bougies allumées, et qui du coup te tombent dessus, ils vont te brûler un peu. Et chacune de ces deux actions, quand t'es tombé, puis que quand tu t'es fait un peu brûler par les bougies, alors c'est brûlure légère, bien évidemment, hein, ne vous inquiétez pas, vous entendez des petits... Donc j'ai une blessure plus une blessure grave, c'est ça? Oh non, mais pas du tout. D'accord. Non, t'as une blessure qui gratte justement un peu parce que tu t'es fait un petit peu de la cire chaude sur le... Ouais. C'est, en fait, t'as une blessure légère pour le tout. Ouais, mais ça m'a fait ma deuxième, du coup. Non, là, t'as été blessé contre toi. Au hamburger. Ah oui, c'est vrai. Et pas... Non, mais avec le temps qui s'est passé, comme j'ai dit, normalement ça se soigne entre 5 minutes et 1 heure de repos. Je considère que vous avez fait assez de pause sur le trajet, etc. Du coup, en fait, t'as la même blessure qu'avant, qui maintenant est active. Et du coup, faut penser que tu fasses des moins 1 dé par rapport à ce que je te dis sur le jet. Et okay. Je rappelle que si vous êtes négatif, vous lancez 2d6 et vous prenez le moins bon. Entre moins bon et moins bon, je sais pas lequel choisir, moi. Ouais, en vrai, en termes de stats, c'est très méchant comme règle. Hein. Mais ok. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, là, du coup, il y a ces petits rires. Et pour ceux qui ne sont pas encore du coup rentrés, donc Ambre et Joseph, vous localisez directement d'où viennent ces rires profonds et très graves. Et ce sont des espèces de corbeaux un peu bizarres, hein, très géants, en tout cas très grands, qui sont sur le plafond. Et qui semble regarder les gens qui rentrent et se moquer d'eux lorsqu'ils tombent. J'avoue, en fait, quand il s'est rétamé, j'ai ri. Moi, là, quand j'ai vu ça, moi, j'étais plus... Ça va, Kylian? Ça va? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Tu veux de la biafine? Ah, j'ai entendu quelqu'un se moquer, à part... Désolé. Non, mais c'était drôle, parce que t'as sweep et après t'as plaf. Non, c'était marrant, en fait. Elle était réussie, belle gamelle, merci. Moi, je sors la biafine et en même temps, tiens, mets-toi la biafine. Alors, si tu rentres, du coup, Joseph, je te demande de faire le même jet. On fait un jet pour le tout. Si tu rates, tu tombes et tu te brûles. Pardon. Super. Du coup, un des six seulement. Ou est-ce que le camping compte je sais, marcher sur des milieux accidentés. Je suis très gentil, je t'accorde 2d6. Il l'a déjà vu, il sait que ça glisse. J'ai fait 6 et 4. Bien, donc toi tu arrives à marcher sans glisser. Tu peux même sous-entendre peut-être, entendre très faiblement peut-être un soupir d'un des espèces de crapauds mutants qui sont sur le plafond. Corbeau. Oh, corbeau. Crapaud. Crapaud. Ah, c'est des crapauds, c'est pas des corbeaux. Ouais. Désolé, je me suis trompé de mot. C'est des crapauds. Smart, ça serait logique, tu vois. Bah ouais. Ouais, c'est vrai, mais c'est des crapauds. C'est pas moi qui décide. Bon, c'est quoi ? Il y a des crapauds et un corbeau au milieu, voilà. Parce qu'on fait ce qu'on veut. Bref, mais toi, t'arrives à marcher, et donc t'arrives à lui, tu vas pouvoir du coup lui mettre un peu de biafine sur sa blessure. Moi, je l'en empêche. Hein. Laisse-moi t'aider à te relever. Ah, je glisse un peu en même temps, mais normalement, ça devrait aller. Non, mais vois le bon côté, c'est que t'étais sale tout à l'heure, maintenant, avec tout ce savon, vous allez être propre. Ouais. on ressort, hein, on n'a rien à faire là, et puis j'ai pas envie de tomber. Du coup, ouais, c'est ça, tu redresses Kylian. Et Kylian, toi en passant, je sais pas si tu t'intéresses en fait un peu à ce qu'il y a autour de toi, parce que bah voilà, vous marchez quand même en faisant gaffe. Il y a en fait un objet, tu comprends sur quoi t'as vraiment glissé. Ce n'est pas que le sol qui est très glissant, parce qu'il reste très glissant. T'as aussi shooté un objet qui est une espèce de grosse boule de pain, mais en savon. Bah, un pain de savon. Oui, une boule de pain de savon. Pas de pain l'arbre, de pain. Ouais, de pain, le pain qui se mange, quoi. Ah, mais c'est la suite des homonymes entre le verre et le pain. Elle shoot là dehors. Allez hop, zou, je donne un coup de pied dedans pour le shooter. Ok, tu le shootes et tu vois que tout simplement il sort de la boutique et rebondit un peu partout. Bon, allez, je sors d'ici, moi. Vous arrivez, ouais, ils arrivent à sortir, c'est bon. T'as pas une corde à nous envoyer éventuellement, Joseph ? Je vais sortir une corde maintenant. Enfin, on peut sortir tranquillement. On n'a pas marché pendant 15 mètres. Okay. On a fait deux pas, il est tombé. C'est vrai. Vous sortez de là, je vous fais pas de jet pour voir si vous retombez. Même si vous mériteriez un peu. Mais. C'est pour ça que je proposais la corde. On va faire au plus simple, vous arrivez à sortir de là. En tout cas, ça répond à votre question. Il n'y a pas de poulpe dans cette boutique-là de bougies et parfumerie. Bougies et... Oh là là, parfumerie, n'importe quoi. Excusez-moi. Bougies et savon parfumé. Vous voulez voir le pain, du coup ? C'est quoi ce truc ? T'as tapé dans quoi, en fait ? C'est quoi ce truc ? Bah, c'est vraiment une boule. Hein. Et... Tu vois qu'il y a un petit creuset à l'intérieur comme pour pouvoir tu sais, l'arroser et que ça contienne de l'eau, mais sinon c'est vraiment ça ressemble à une boule de ping. Tiens. Bon bah allons à la boutique, l'horlogerie là. Ok. Et tu crois qu'il y aurait la clé là-dedans ? Dans cette horlogerie ou dans la pièce où j'ai glissé ? Dans le pain. C'est pas fort brillant non plus, quoi. Mais bon. Bah écoute, je sais pas, va falloir qu'on la trouve, cette clé. Ça, elle est peut-être cachée dans un truc, quoi. C'est vrai. Bah, c'est peut-être le Yeti qui l'a, tu vois. Oui, ou elle est peut-être cachée dans un truc. Dans l'estomac du Yeti. Bon, on laisse la boule là, alors ? Je la prends et je la mets dans mon sac si ça peut être utile. Si vous le souhaitez, je note que tu le prends. Ouais. Hop, c'est noté. Bon, bah l'horlogerie, du coup. Très bien. Oui. Vous allez l'horlogerie. Vous regardez par la vitre. Ouais. Il y a une boutique qui a l'air tout à fait normale, remplie de vraiment le truc bien en bois, avec du bois absolument partout, avec des grosses horloges, des vitrines remplies de montres, etc. Et un homme dans une grande robe qui semble tenir boutique. Bon, bah, au moins ça a l'air plutôt normal là, non ? Bon, est-ce que vous rentrez ? Bah, je rentre dedans, je vais aller parler à l'homme directement. Ok. Tu rentres dedans, et en fait, à peine ouvert la porte, tu vois, il fait « Non, visiteur !» Oui. Quoi, non ? C'est dangereux par ici. Regardez, nous sommes infestés de chenilles au plafond, et les murs et le bois est rempli de ce qui semble être le début de la fin d'un temps. Oui, ce sont des mythes mangeuses de temps. Des termites mangeuses de temps, pardon. Moi, je regarde le truc parce que je regarde ces termites, justement. Est-ce qu'il y en a vraiment si déjà si je les connais ou pas, ce genre de d'insectes. Alors, quand vous regardez, il y a effectivement des termites et c'est vrai que d'extérieur, ça ne se voyait pas trop parce que c'est très peu éclairé, mais une fois que vous avez ouvert la porte et que la lumière est vraiment baignée, c'est grouillant de ces fameuses termites. Tu me fais un petit jet, Joseph, avec du coup 3d6. Okay. Ouais. Non, 4d6 même. Allez, t'as tout, parce que le curieux, je trouve ça marche aussi, donc 4d6. D'accord. Alors j'ai fait 1-5. Ok, bah. C'est cool. Donc, tu regardes et celles-là, elles te disent rien. Elles ont une forme assez classique de termites, c'est vraiment des termites, hein, tu les reconnaisses, mais elle a une variation que je ne saurais te décrire là, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ils ont une couleur en tout cas anormale et une forme de tête qui te rappelle pas en tout cas d'espèce de termites que tu aurais pu apprendre. Trop chelou ça. C'est dégueu. Trop chelou aux termites, monsieur. Oui, c'est une porte. Bah, nous cherchons la clé pour sortir d'ici. Non, il y avait une porte aussi. Écoutez, je suis désolé de vous l'annoncer, mais je pense que le monde touche à sa fin. Non, mais peut-être que si on referme la porte, ça reste que chez vous. Ne vous inquiétez pas, hein, si c'est juste des termites, hein, un petit coup de fumée et c'est bon. Hein. Quand il dit ça, vous voyez que une des horloges qui était à quelques pas de vous, en quelques secondes, se met à tomber en poussière. Je saurais qu'en mettant ma main sur la montre, je veux pas que ça arrive à la montre, hein, c'est un cadeau de mon père. Mais c'est pas en boîte à montre. Ouais, mais on sait jamais. Ah oui, elle mange le temps. Elle mange le temps, mais c'est termite de temps. Tu vois qui fait ça. C'est terrible, c'est la fin! Et je n'arrive pas à m'occuper de cette termite! Non mais vas-y, on va refermer la porte. Referme. Journée, hein! Vous refermez directement la porte. Ah, j'ai plein de bougies avec plein d'odeurs si vous voulez, mais. Non, mais si on trouve des trucs anti-termites, du xylophane ou je sais pas quoi, on repassera, mais là. Ça et d'ailleurs, un peu quand même, vous si faites bien, parce que quand vous avez fermé, quelques termites commençaient à courir vers vous, donc. Non, mais je veux pas qu'elles sortent surtout. Tant que c'est fermé, elles vont rester dans la pièce. La porte, elle est en bois ou pas? La porte est une porte de métal. Hein. Ah, la porte est faite en temps. La porte est faite en temps. Bah non. Non, mais par contre, ouais, si on trouve des trucs anti, mais par contre, faut pas que les bestioles elles sortent, sinon elles vont faire des ravages partout. Mm. Bon, on prend un escalator ou on reste à cet étage? Bah, il a dit de pas changer de niveau, donc la seule option qu'il y a, c'est de prendre ou tout droit ou à droite de la patinoire. Moi, je serais bien allé quand même au sous-sol. Hein. Non, pas au sous-sol, ça a l'air bizarre. Si on aurait dû changer d'étage, autant essayer le en haut. On fera mais le sous-sol si on avait épuisé les niveaux. Il y a peut-être un local technique et tout. Bon. Mais, peut-être qu'aller en haut, ça nous dégotera une sortie ou je sais pas trop quoi. Ah, ça m'énerve. Il nous a dit de rester sur le même niveau. Ouais, bah autant rester sur le même niveau alors. De toute façon, on a encore deux options sur ce niveau. Bon, bah on continue tout droit au pire. Vous êtes pas compliqué. Ouais. Ouais. Eh bien, vous traversez la place pour accéder du coup à ce fameux couloir. Ça va, cependant, il ressemble aux autres. Non. Ouais, il ressemble aux autres, mais c'est pas vraiment ce qui va vous marquer au début. Puisque, au milieu de ce couloir, mais plutôt proche de votre place, vous voyez de dos une espèce de gros singe blanc qui semble ne pas avoir fait attention à vous. Parce qu'il semble, tout simplement, en train d'être en train de manger. C'est une espèce de, oui, de singe humain. Ou... Peut-être que, okay, pour ceux qui aiment les légendes, on peut appeler ça un yeti. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors que vous êtes à quelques mètres de ce yeti.